Dans aujourd'hui à Assemblage Rocky. Bonsoir, Émilie Gauthier pour sa première chronique plein air de l'année 2010. Et dans la chronique technologique CNX, il y a des trucs pour simplifier votre vie de geek. Ça et encore plus à Assemblage Rocky. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rocky, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Qu'est-ce que tu fais? T'arranges tes boutons de chemise? C'est rare qu'on fait ça, moi j'y laisse tout le temps déboutonner. Les boutons de manchette. Boutons de manchette, c'est comme jamais, ça. Jamais trop d'élégance pour Assemblage Rocky. Non, c'est ça. Moi quand je vois des émissions de nouvelles dire des manchettes, ça me fait toujours penser à ça. Je me dis manchette, ça peut avoir deux définitions. C'est quand même spécial. Mm-hmm. Manchette. Manchette, non mais juste manchette, si on parle pas de nouvelles, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut vraiment dire le poignet d'une chemise, je sais pas, manchette. Est-ce que c'est l'entre entre la manche et quelque chose d'autre ou est-ce que c'est une petite manche? Petite manche. Parce qu'une débarbouillette, c'est une petite débarbouille. Oui, évidemment. Tu sais, il y a des fins de mots même, tu sais, qu'on peut vraiment analyser de fond en comble. On pourrait. On devrait avoir une chronique sur la langue française, ce serait pas une mauvaise idée. Ouais, on va y penser. On va essayer de se trouver un linguiste, là, puis on. Lingette. Lingette aussi. Ça me faisait penser à un autre mot qui finissait en lettre. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir Émilie Gauthier qui va venir nous parler de plein air comme à tous les mardis. Oui, et aussi, il va avoir une chronique CNX. Il n'y en a pas eu hier, mais il va en avoir une aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans ta chronique CNX? Ça va être utile des trucs, donc des trucs, des sites web, des logiciels pour simplifier une tâche que vous avez à accomplir dans votre vie de geek. Parfait. C'est ça. C'est ça. Bah, t'as simplifié ta vie de geek qui est one non existante. J'ai assez hâte que ce soit simple. C'est trop compliqué cette vie. Mais tu vois, un groupe qui a pas de problème avec sa geekitude, hein, c'est Woodhands parce que tu sais, des mains, tout le monde a ça. Pas besoin d'être geek. Et du bois, ben c'est pas très geek. Woodhands. C'est le nom du groupe qu'on va aller entendre. On va les entendre tout de suite avec la première. Premier extrait, ou je dirais la première pièce de leur nouvel album, Remosque Paid. On écoute ça tout de suite à Assemblage Rocky. Moi, je dirais qu'ils ont gossé une très bonne pièce pour nous. Du très beau gossage. Vraiment. C'est vraiment beau. On va vous gosser jusqu'à 17h en passant. la nuit avec toi. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clé sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice, je veux goûter tes délices. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet, donne-moi le code secret. Wow, wow, wow. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Les sous, c'est comme des piastres. Ça va avec ça, des piastres. C'est de l'argent, les piastres. Ça n'existe plus, donc les sous non plus. Ça. Dans Tintin, ça existe, en tout cas. Piastres. Piastres, ben ouais, mais là, ça se passe tout dans le vieux, dans le bon vieux temps? Ça se passe dans le présent, Tintin? Ben, c'est récent, me semble. C'est en couleur. Okay. C'est ça, des bandes dessinées en couleur. Donc, c'est récent. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, on vient d'entendre Damien Robitaille et sa pièce Mot de passe. Il nous dit qu'il y avait un vidéoclip de cette pièce-là. Oui, la pièce Mot de passe, c'est le premier extrait officiel de l'album, ou peut-être le deuxième, mais bref, le vidéoclip a été lancé dernièrement. Et bon. Il est très bon. Oui, il est beau. En noir et blanc, là, un peu... ouais, un peu. Donc, c'était fait depuis longtemps, c'est en noir et blanc. Exactement, ça date du Moyen-Âge. Bon. Avant ça, on a entendu Woodhands, l'album tout nouveau, tout récent, tout frais, avec des chevaux et un robot. Donc, on mélange vraiment l'ancien temps et le futur, là, sur la couverture. L'album Remorse Capade, on a entendu la pièce Pockets. Oui, cet album-là n'est pas encore sorti à tel point qu'on... Quand on parle de futur... Hein? L'album n'est pas encore sorti, il va sortir juste le 26 janvier prochain, dans deux semaines. Mais comment ça se fait qu'on l'a, ils sont venus du futur pour nous le mettre dans notre poche? Pockets. Très, très, très technologique. C'est incroyable. Assemblagerequis.com pour aller télécharger la balado-diffusion des émissions à chaque jour et pour voir les liens qu'on va mentionner pendant l'émission. On va en mentionner plusieurs, là, des choses qui se passent dans l'environnement art et spectacle, plein air, technologie. On tente beaucoup de terrain, nous, ici, à Assemblagerequis. Hein. On tente pas mal, oui. On aime bien tenter. On y va à tantôt. Attends. C'est bien ça? Tantôt. Ouais. Alors, on va entendre du Vanessa Parietteur à la place de tenter des mots comme ça n'importe comment. On va aller écouter une pièce de leur album, La mer était vide. Voici le jour, la nuit. T'as pas ma façon de dire les choses, toi. Oui, c'est très bon. T'as bien ça? Le jour, la nuit. À Assemblage Requis. Jour. Tentez-vous. T'aurais pu dire à tantôt. À tantôt. À tantôt. Comme dans plus tard, là. Comment devenir cynique et arrêter de faire tant de peur. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. The Almost avec Hans, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou et ça vient de leur album Monster Monster. Très bonne pièce ça, et on peut entendre le palmarès anglophone justement tous les mercredis après-midi. Oui, demain entre 13h et 15h et la version francophone est le jeudi à la même heure et tout ça est regroupé le vendredi soir entre 17h et 20h. Alors soyez donc à l'écoute. Nouveauté musicale qui wagne, il y a quand même pas mal de choses qui sortent cette semaine intéressantes. Ben, en fait, il n'y a pas tant de nouveautés aujourd'hui. Cette semaine, en fait, on dirait qu'après les fêtes, comme si c'est plus tranquille. Avant les fêtes, il y a toujours un boom de sortie de CD. Puis là, c'est comme assez tranquille. Tous les albums qui ont sorti, tous les groupes qui ont sorti des albums avant les fêtes sont en tournée ou préparent leur tournée hivernale. Mais ce qui sort est bon, ça je le sais. Oui, il y a quand même de très bons albums qui étaient attendus, dont entre autres celui de Vampire Weekend, dont on parle depuis déjà plusieurs semaines parce qu'on aime beaucoup la pièce pièce White Sky qu'on fait souvent jouer ici à l'émission Assemblage Requis. On va en faire jouer une autre pièce, dans le fond, parce que ça fait partie des groupes qui se démarquent pas mal dans la sortie d'album cette semaine. Donc, on va en reparler un peu tantôt, Vampire Weekend. Mais pour l'instant, je vais parler d'un groupe que t'aimes beaucoup, toi, Mathieu. Ben, j'aime leur album Oh No, que tu disais qu'il est sorti en 2005. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que ça que j'écoutais ça. Oui, le groupe OK Go avait pas sorti d'album depuis Oh No en 2005. Et sur cet album-là, il y avait une pièce qui avait fait beaucoup parler d'elle, mais surtout pour son vidéoclip. Oui, des gens qui dansaient sur des tapis roulants. Exactement, la pièce Here It Goes Again avec le vidéoclip sur les tapis roulants qui avait eu quelque chose comme 46 millions qui avait été vu 46 millions de fois sur YouTube. Et le fait qui m'a surpris dans ce vidéoclip-là, c'est le gars qui chante n'est pas le chanteur du groupe. Il y a des gens qui savent pas ça. Ah ok, non, je savais pas. C'est vrai. Mais tu vois, malgré le fait que ça a été un super gros succès YouTube-ien, ce clip-là, je pensais qu'il était vraiment connu partout à travers le monde, mais non, c'est surtout un phénomène américain, je te dirais, la popularité de OK Go, parce que tu vois, présentement, ils sont en tournée en Europe et principalement, là, présentement, là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, sont au Royaume-Uni, sont en Angleterre. Et, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Et puis, les salles qu'ils font là-bas, c'est presque des bars. Là. C'est vraiment petites salles, rien. Ouais. Tandis qu'ici, ils doivent faire sûrement des arénas, puis des salles avec plusieurs milliers de personnes qui font des spectacles. Mais non, là-bas, ils recommencent un peu à la barre. Je pensais qu'ils étaient plus connus que ça là-bas, mais apparemment, non. Et leur album, nouvel album qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Of the Color of the Blue Color of the Sky. Color écrit à la canadienne et britannique avec un U. Oui, effectivement. Dans mes notes, j'avais pas écrit comme ça. Mais tu vois, parce que les Américains écrivent Color, pas de U. Ouais, c'est ça. Je me souviens d'avoir vu la pochette. Effectivement. Oh, c'est Américain qui won. Colin. Ouais. On va aller écouter, nous, un extrait de cet album-là qui s'appelle WTF point d'interrogation. Donc, c'est une question. Mais avant de l'écouter, Mathieu, juste un petit instant. Parle. Cette pièce-là, c'est le premier extrait officiel de l'album qui est sorti il y a déjà quand même un petit bout de temps parce que là, il y en a un autre qui s'en vient. Il y a un autre extrait qui va sortir et qui va être accompagné dans le fond de l'album. Quand l'album va être disponible, il va y avoir le deuxième extrait déjà qui va être sorti. Il y avait un simple extrait de cet album-là qui était sorti il y a déjà quelques mois presque, en tout cas plusieurs semaines. Et c'était la pièce WTF. Est-ce qu'on peut dire le nom complet? En anglais, je pense que les gens comprendront peut-être pas. Fait que c'est correct. C'est bon. What the fuck? La pièce What the fuck. Et ce vidéoclip-là, tu iras le voir, Mathieu, il est spécial. Okay. Ça commence, c'est le chanteur qui est sur un fond d'écran blanc. Et puis là, à mesure qu'il se déplace, son image laisse une trace derrière. Je sais pas exactement c'est quoi le procédé, mais bon, finalement, son image remplit le fond blanc. Puis là, à chaque fois que les membres du groupe s'intègrent dans l'image, ben là, ça fait comme laisser leur empreinte. Ah, l'empreinte de leur image se laisse partout, donc ça se modifie au cours du clip. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a un de leurs fans geek qui a vu ce clip-là, qui l'a trouvé très cool. Il s'appelle Jonathan Bobrow. Et lui a décidé de développer une application. Il a créé une application pour pouvoir faire son propre vidéo de What the Fuck. Ouais, ça s'appelle le programme, je pense, s'appelle le WTF, quelque chose comme ça. Et si vous allez sur le site internet de OK Go, qui est le okgo.com, je crois. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com quand même. Mais si vous allez sur le site internet de OK Go, vous pouvez trouver là, le lien pour aller télécharger cette application-là et ensuite faire votre propre vidéo de What the Fuck. C'est bien okgo.net. D'accord. Ouais, en passant, je ne sais pas si tu as vu d'autres de leurs vidéoclips à OK Go parce que celui qui a fait le tour là, est bien ben bon, là, mais il y en a plein d'autres. Ils sont tous très, très, très originaux, très, très créatifs, artistiques, vraiment super le fun. Et avec Ono, il y a une version avec un DVD et leurs vidéoclips jusqu'à ce moment-là sont sur le DVD et c'est vraiment le fun à regarder. Donc, tu vois, ils continuent encore même avec leur nouvel album, of the Blue Color of the Sky, continuent à faire parler d'eux pour leur clip encore avec ce phénomène What the Fuck. Mais la musique est bonne dessus. Si tu fais un clip super bon sur une tonne plate, ça sera pas mieux. Non, c'est ça. Ouais. Ça va s'appeler des courts-métrages, j'imagine, ou je sais pas. Ah, oh, c'est chiant! Des courts-métrages de mauvaise qualité. OK. Si tu pensais que tu disais que tous les courts-métrages étaient plates. Non, mais si tu mets un bon film, un bon vidéo avec la musique moyenne, ben, ça fait un court-métrage avec de la mauvaise musique dessus. Ça fait pas un groupe de musique qui a des bons clips. OK. Non, mais c'est comme juste... T'es rattrapé. C'est l'autre côté de le prendre. Là. Tu te prends par un bout ou par l'autre. Ouais, ben comme toi. C'est ça, moi, je te prends un bout. On me prend dans tous les sens. C'est ça. Est-ce que t'es prêt à écouter ta musique? Écouter la pièce WTF point d'interrogation du groupe OK Go de leur nouvel album Of the Blue Color of the Sky. À Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. WTF qui won. Oui, WTF du groupe OK Go, c'est le premier premier extrait de leur album qui a été sorti il y a quelques mois déjà, puis là il y en a un prochain qui s'en vient. Et l'album Blue Color of the Sky est disponible depuis aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. Prochain groupe, Vampire Weekend, on en parle quand même pas mal à Assemblage Requis. Maxime en a parlé dans sa chronique hier. Je suis sûr qu'on a entendu à d'autres places aussi. Ben, c'est un groupe que Maxime aime beaucoup. Maxime Muller-Amé, qui est chroniqueur ici à l'émission. C'est un de ses groupes préférés, donc il nous en parle depuis longtemps. Lui avait déjà flairé cet album-là depuis très longtemps. Ça fait déjà peut-être un 2 mois au moins là, qu'il nous avait présenté d'une première pièce de cet album-là. Mm-hmm. Le premier extrait qui était disponible en téléchargement gratuit. C'est lui qu'on va entendre. Groupe, Horchata, la pièce Horchata. Et il n'y a vraiment pas juste nous là, qui tripons sur le phénomène. Ben, pas phénomène, je pense que ça dépasse le terme de phénomène. C'est vraiment un très bon groupe, Vampire Weekend. Mais présentement, c'est vraiment la sortie la plus attendue, je pense que je pourrais presque dire à travers le monde. Et ce, malgré le fait que Ringo Starr lance je sais pas combien thème d'album solo aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un album de Ringo Starr qui sortait aujourd'hui. C'est de la compétition, ça. Mais malgré ça, Vampire Weekend font depuis la semaine passée pas mal la tournée des late shows américains. Oui, il était à Conan la semaine passée, je sais, je l'ai vu. Et vont vraiment un mouvement de presse, je sais pas si ça se dit comme expression, ouais. Mais vraiment la presse mondiale, en tout cas, en parle beaucoup. Vous pouvez taper Vampire Weekend, vous allez voir des articles de différents médias, différents journaux partout à travers le monde, en France, en Angleterre, au Canada. C'est le brouhaha. Oui, vraiment un album qui est très très attendu de ce jeune groupe. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont tout pour qu'on les aime. C'est comme les Beatles dans les années 60. Ouais, c'est ça. Ils ont tout parfait. Ils sont parfaits. Mais surtout leur musique est très bonne et on va entendre donc la pièce Horchata qui est le premier extrait, je crois, de cet album Contra de Vampire Weekend. T'es prêt maintenant? Allons-y. Tu veux y aller? Allons-y là. Non. Wow, ouais, tu me diras pas quoi faire. J'étais vraiment déçu. J'étais sur Twitter, ça, parce que je suis tellement tendance. Hein. Je voyais qu'il y avait un gros spécial, genre le CD était à 4$ ou je sais pas trop quoi sur Amazon. Je clique dessus. États-Unis seulement. Mmh. Hey, c'est plate ça. Ouais, ça coûte cher sinon un album sur Amazon. C'est des MP3 et t'es payé cher. In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch of your sandals. Look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went. Boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten. Just to sit on sidewalks. Vampire Weekend. Non, c'était ça, c'était pas Vampire Weekend. Oui, c'est... Oh, c'était Vampire Weekend. C'était Vampire Weekend. Oh, je suis nul. Horchata. Je suis nul pareil. Ouais, t'écoutes pas mal les chroniques, Mathieu? Non, j'écoute ce que tu dis. Ben, je sais. C'est toujours Vampire Weekend. Ah, ben oui, je sais. Pas besoin de le dire, je sais. J'suis Vampire pas... Weekend qui sont quand même, eux aussi, des experts un peu comme OK Go dans les clips originaux. Ouais. Et même je dirais originaux et avec peu de budget, réussissent toujours à faire de quoi? De simple, mais de vraiment très efficace et très original. On devrait essayer ça à un moment donné. Faire quelque chose d'efficace et original. On va essayer ça. Peut-être après la pause. Peut-être pas aussi. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est Bouddha. Ton char. 89-1-1-1. Écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. We fall. Colépée et Crémé, leur album Tropique du Cancer, leur plus récent, en fait, leur seul album complet. C'est bien ça. Il faut que je dise quelque chose sans trop savoir, puis que c'est finalement vrai. Incroyable. Hey, Mathieu, dire des choses sans trop savoir, sacrilège. C'est incroédible. Kiwan, on reçoit des courriels souvent, nos auditeurs adorés, tu sais, nos nombreux et fidèles fans, qu'on appelle les assembleurs. Les assembleurs. Les roquieux. Les assidus. Les requérants assembleurs. Ouais, c'est ça. C'est catchy au bout, comme nom. Bref, on reçoit des courriels de leur part et des fois, on a des calls. Genre, ils nous envoient des extraits puis il faut qu'on trouve nous-mêmes c'est quoi cette pièce-là. C'est difficile. Ouais, parce que des fois, les gens entendent une pièce. Moi, ça m'arrive souvent aussi, tu sais, quand j'écoute la radio ici ou ailleurs, d'entendre une pièce, me dire « Mon Dieu, mais c'est trop bon, je veux savoir ce que c'est. » Donc, dans ce temps-là, la meilleure façon, c'est souvent d'écrire à la station en question, avec leur dire « À telle heure, telle journée, j'ai entendu telle pièce. Ouais. » Mais c'est pas toujours possible d'avoir exactement l'heure. Là, dans ce cas-là, il faut se creuser la tête avec un extrait sonore. C'est comme un genre de quiz. C'est comme un facile à chanter ou un La Fureur. Ou un... Ouais, c'est facile à chanter. Ouais, facile à chanter. C'est qui animait ça? C'est pas Manuel Orsubi. Patrick Bourgeois, oui! Ouais. Ouf, ouais, j'ai vu un extrait de ça récemment. Douloureux comme souvenir. Hey, le plateau était tellement coloré. C'était beau. Ouais. Comme Manigans. Ça, c'est Manuel Orsubi. Manigans, ça me dit rien. Non, c'était à Radio-Canada. Émission pour enfants. Ah. On apprend donc des choses et on sort des bons vieux souvenirs aujourd'hui. Hein? Bref, tout ça pour vous dire qu'on va tenir le gars au courant, puis on travaille pour lui. Tout ça pour dire que le chèque est dans mal. Tout ça pour dire que ça ruine ma vie, parce que je suis pas capable d'entendre une pièce que je connais et de pas trouver ce que c'est. Mais des fois, c'est dur. Des fois, il y a des choses rares qu'on a déjà entendues. On sait qu'on le connaît, mais si j'ai pas l'album, par exemple, je peux pas vraiment le connaître par cœur. En tout cas, j'ai essayé de taper les paroles dans Google. Ah oui, j'ai tout essayé. C'est ce que je fais. Oui. Ça fait depuis hier, là, sans interruption, tout mon avant-midi, toute la nuit presque, j'y ai pensé, j'ai pas dormi. Vivement le chômage. J'ai essayé de trouver cette pièce-là. En tout cas, au moins tu travailles. Oui, oui, oui. Donc, je continue là. Je prévois ne pas dormir tant que j'aurai pas trouvé cette pièce-là. Donc, vie à l'auditeur qui cherche la pièce. On va finir par la voir. Comment qu'on l'appelle? Je sais pas. On a-tu son nom? André. Gringo. Aucune idée. Tout ce que je sais par contre, c'est qu'Émilie Gauthier est un nom que je connais, une figure resplendissante dans notre mardi ici à Assemblage Requis. Elle va être avec nous dans un petit peu plus d'une demi-heure avec sa chronique plein air. Elle va parler entre autres du parc récréo-forestier Saint-Mathieu, du parc Cœur Nature de Saint-Narcisse, du domaine de la forêt perdue. Un paquet d'affaires comme ça dans sa chronique plein air vers les 16h30. Avant ça, il va y avoir CNX, une chronique technologique que je fais pas mal tous les jours. Hein. Aujourd'hui, c'est Utilitruc, donc on va partager quelques trucs, sites web et logiciels pour vous simplifier la vie de geek. Ça va dans une dizaine de minutes et d'ici là, on va retourner en musique. Oui, qu'on dit un petit peu de Marie-Pierre Arthur. Allons écouter un peu de Marie-Pierre Arthur. Quelle pièce, déjà? Quelle pièce? J'avais en plus donné la pochette. J'avais tout fait ce que j'avais à faire. On va aller écouter la pièce, elle, tout de suite, de Marie-Pierre Arthur. Yo! À l'émission Assemblage Requis au 89.1 FM. Et moi, je nous fais un L dans le front, tu sais, comme. Oui. Tu sais, au cinéma, on voit souvent ça dans les films américains, tu sais. L comme loser, mais en français, ça veut comme rien dire, t'sais. Ils font des L dans le front. On va faire un peu. Un peu? Perdant, ouais, c'est moins beau un peu. C'est Assemblage Requis au 89.1 FM, c'est fou. Que le silence Marie-Pierre-Arthur. Et elle, pas la lettre, mais le mot. Le mot. L'article. Ouais, c'est ça, parce que le ça, sujet. Même comme mot, ça pourrait être plusieurs choses. Faudrait que tu précises, Mathieu. Parce sinon, les gens vont être déboussolés. Là. Ils vont être déboussolés, ils ne comprendront plus rien. Il y a une application pour ça. Ouais. Une joke de iPhone que personne ne comprend. Bon, parfait. OK. Hey, savais-tu que Plants and Animals vont sortir un nouvel album? Le groupe ou les plantes et les animaux? Les deux, c'est un duo, en fait. Okay. Tu connais le duo Plants and Animals, c'est ça, des plantes et des animaux. OK. C'est Louise Deschâtelet et chose qui faisait l'émission avec des animaux. Et Mathieu Plante. C'est ça. Louise Deschâtelet et Mathieu Plante. C'est ça. Plante et... Non, ça n'a pas rapport. Non. Non, mais le groupe montréalais Plants and Animals vient tout juste d'annoncer qu'ils vont sortir leur prochain album le 20 avril prochain. C'est quand même dans quelques mois, trois mois environ. Mais déjà une pièce qui est disponible de cet album-là. L'album va s'appeler La La Land. Et le premier extrait s'appelle Tom Cruise. Il est déjà disponible. Tom Cruise, tu sais, écrit comme Penelope Cruise. Ah, ils sortaient pas ensemble? Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas qu'ils ont. Non, je pense pas qu'ils aient déjà sorti ensemble, non. Mais bon. La grandeur, c'est un petit peu. Ah. C'est peut-être difficile le côté grandeur. Je sais pas. Tom Cruise est petite même. Pour vrai, ok. Et ça se fait vraiment pas deux personnes qui sortent ensemble qui sont pas du tout la même grandeur. Et voilà. C'est impossible. C'est impossible. Donc, premier extrait de cet album, La La Land, s'appelle Tom Cruise, c'est disponible le 20 avril et ils vont lancer l'album à Montréal, au La Tulipe à Montréal, le 22 avril prochain. Ça va être le premier spectacle d'une tournée nord-américaine. Mais pour tout de suite, on va juste aller écouter cet extrait, Tom Cruise, de Plants and Animals. Un tout petit extrait. Un tout petit, extrait microscopique. Wow, c'est cute. Je crois qu'il va être beau, je crois qu'il va être vieux. Cet assemblage requis, l'émission qui devient de meilleur en meilleur plus le temps avance jusqu'à 17h. Bonne chance. Ouais. Faites attention, là. Can't Tom Cruise de Plants and Animals. C'est pas Tom Cruise qui chante, on s'entend. Hein? Détrompez-vous. Eh non. Eh non. Donc, on n'a pas le budget pour se payer des pièces de Tom Cruise. Et eux non plus n'ont pas les budgets pour engager Tom Cruise comme chanteur, je pense. Je pense. Ben, j'imagine. Je sais pas. Je veux pas présumer de leur, la grosseur de leur bourse, mais bon. Bon, bref, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Il nous reste une deuxième heure avec la présence d'Émilie Gauthier tantôt. Elle va nous parler de plein air, des choses à faire dans la région, là, pour sortir de WoW! Et aussi, dans quelques minutes, chronique CNX de Mathieu Plante. Restez là. Reste là, Kiwan. Je bouge pas. Don't bouge! C'est la deuxième heure d'Assemblage requis qui commence en compagnie de Kiwan et de Mathieu jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Merci d'être avec nous. Hein? Merci beaucoup. Très gentil. Comme une formule de politesse, Kiwan. Ben oui. Merci d'être avec nous. Ben c'est ça. Oui. Ben, moi, qu'est-ce que je réponds à ça, à toi? Je dis-tu, c'est un plaisir, Mathieu? Parce que tu t'adresses à moi quand tu dis merci. Ouais, ben ouais, c'est à toi que je parle, t'es devant okay. moi. Ben ça me fait plaisir, Matt. Bon, ben, Caroline, que je suis content d'entendre ça. Bon. La collègue CNX s'en vient dans quelques minutes, à peine. Pour l'instant, voici Hockey. Avec la pièce Too Fake, extrait du palmarès anglophone de CIF. C'est ça. Merci. Plaisir. Tu repasseras. Parfait. On est pas sorteux. Vraiment pas, en fait, moi je suis vraiment pas sorti de ça.

fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale date blanc verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. T'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. Après la pause, c'est vrai, on parle de plein air avec Émilie Gauthier. Rar. Je pense qu'il joue encore mon bruit d'ours en arrière. C'est, il joue encore. Ben oui, c'est vraiment fort, ben oui. C'est vraiment parfait, je dirais. Très, ouais. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. Émergent. C'est fou de la musique. C'est fou 89. 89. 1. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Mais maintenant, on n'est plus seul. Non, on n'est plus seul. Parce que Émilie Gauthier vient de nous rejoindre. Oui, Émilie Gauthier vient de nous rejoindre. Non? Une autre fois? C'est autre chose à dire? Non, non. Je non, non. Salut, Émilie. Allô. Salut. Toujours, il est tout le temps énervé de même quand on parle de plein air, Mathieu. Ben oui, c'est ça. C'est pas du monde. Ben oui, le plein air, moi, hein? Ça fait partie de toi. Ça me pile le poil de la rate. Ben bonjour, bonne année tout le monde. Hein? Bonne année. Pas du tout très très tard dans le mois pour encore dire bonne année, mais bon, on s'est pas vu depuis. C'est la première fois que je viens, qu'est-ce que tu veux? Ça fait même pas un demi-mois, là. Fait que j'ai encore le droit. À peine un demi-mois. Oui. C'est un petit peu plus qu'un tiers de mois. Oui. Bon. Donc, t'as passé une belle période des fêtes, t'as sorti, t'as dansé, t'as fait aller les crécelles et puis des petits feux d'artifice puis tout. Ouais. Puis j'ai vendu bien des raquettes aussi. T'as travaillé pendant les fêtes, c'est sûr, il faut le dire. Ouais. Tu travailles dans un magasin de sport qu'on n'aimera pas. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'était belle fun. Mais les gens te font confiance, Émilie. C'est ça l'affaire. Les gens sont là, puis ils t'écoutent, puis ils disent « Elle, je lui fais confiance. » Oui, mais vous faites bien. c'est non, mais... T'es humble, c'est ça ta qualité principale. Mais là, j'ai pas l'impression que je dis n'importe quoi. J'ai des sources fiables. Bonjour Québec, c'est une source de touristes qui est assez fiable, selon moi. Donc... Faites bien, je pense. Bon. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Tu nous parles de quand même pas mal de sujets combinés, là. De sorties à faire. Ouais, ben j'ai trois endroits. Puis sinon, j'ai deux petites nouvelles aussi à vous parler. Partager. À vous partager, merci. Ben, à partager avec vous. Voilà. Mettons. Donc, je commence par le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu. Ce parc-là, en fond, son but, c'est d'aménager des ressources du milieu forestier pour les aménager en forêt publique. Donc, c'est de rendre accessible la nature à l'état pur aux gens qui veulent la découvrir. C'est un parc d'une superficie de 127 km². On peut faire l'observation de la faune, l'interprétation du milieu. Comme activité, il y a 47,8 km de pistes pour la randonnée pédestre et le ski de fond. Il y a aussi 17 km de sentiers pour la raquette, mais comme j'ai déjà dit, la raquette, on peut sortir des sentiers. C'est juste que sentier damné, il y a 17 km. Ça, c'est pas pour rien que l'expression sortir des sentiers battus. Hein? Voilà. Bon. C'est un parc situé à environ 40 minutes de Trois-Rivières. Et pour ceux qui se cherchent encore une façon de magasiner leur raquette, là, je vous rappelle que l'article et la balado-diffusion de la chronique sur les raquettes et sur le cifou.ca pour la version audio et assemblagerequis.com pour le texte. Voilà. Bon. Yes. Si les gens aiment ça, savoir ça. Oui. C'est des conseils. Mais c'est le fun. Bon. Oui, parce que c'est sûr que à cette heure que la chronique sur les raquettes a été faite, on ne pourra pas à chaque fois reconseiller et reparler de raquettes parce que là, tu suggères des endroits pour aller en faire, mais pour ceux qui n'ont pas déjà leur raquette, c'est sûr que c'est pertinent d'avoir les informations pour s'en acheter avant. Voilà. Donc, ouais. Deuxième endroit, c'est le Parc Cœur Nature de Saint-Narcisse. Vous voyez le jeu de mots, Parc Cœur Nature. Ah, c'est incroyable. C'est un petit parc qui est géré par la municipalité de Saint-Narcisse. C'est un lieu qui, en saison estivale, c'est une tourbière, mais en hiver, il l'aménage. Il y a des panneaux d'interprétation tout le long des sentiers pour la faune, la flore, l'histoire et la géologie. Il y a aussi 2,8 km de piste pour faire de la randonnée pédestre et de la raquette. C'est situé à environ 30 minutes de Trois-Rivières. Voilà. Encore pas très loin. Non, c'est ça. Ben, c'est pas trop loin. Je recommence à me rapprocher. Là, parce que pour l'automne, j'avais plus d'idées. Mais là, l'hiver, il y a comme plein d'endroits intéressants dans le coin. Mmh. Mais je ferai pas une émission là-dessus parce que ça risque d'être un peu long. il y a aussi le domaine de la forêt perdue. C'est un parc où il y a un sentier de 10 km de glace à parcourir en forêt en patin à glace. On peut aussi observer et nourrir des cervidés et des oiseaux. Sur place, on peut louer puis faire affiler nos patins. On peut aussi louer des traîneaux pour pouvoir pousser les plus petits. J'ai regardé sur Internet, c'est comme une grosse chaise avec des patins en dessous. C'était mignon. Et il y a un service de casse-croûte disponible les fins de semaine et les jours fériés. Le tarif sur place, c'est quand même assez spécial. On peut rentrer gratuitement, entre guillemets. Elle fait des guillemets dans les airs en ce moment. Guillemets, oui. En achetant un produit de la ferme. Donc, qu'est-ce qu'il y a disponible? C'est du miel, des bonbons faits à base de produits naturels, du sirop d'érable, plusieurs produits disponibles. C'est mieux d'encourager, selon moi, puis on a notre collation en partie. Ben oui, c'est ça. Pis sinon, on peut rentrer juste en payant le prix. C'est 12 $ par adulte, 10 $ pour enfant. D'après moi, tant qu'à débourser, c'est le fun d'avoir une petite collation ou quelque chose. Ça revient au même prix, dans le fond, si t'achètes un produit, mais tu gardes le produit après. Puis le billet n'est pas fait à la main. Hein. Non, parce que tu peux acheter le billet aussi. C'est ça. Il n'est pas fait à la main. Sauf que tu pourras le garder après. Ouais, aussi. Quand même te faire un souvenir. Mais bon, tu sais, faut dire que... Tu achètes du miel, tu peux garder le pot après, là, voilà. Ouais, c'est ça, pour faire tes confitures maison après, ça en prend des pots. Mais tu sais, de toute façon, C'est quand même rare déjà des endroits où il y a autant, tu sais, il y a 10 km de sentier dans la forêt. C'est déjà exceptionnel. Là. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas d'autres endroits. Non, c'est le plus grand. C'est le plus grand au Québec, ouais, pour faire selon du patin. Le site web. Là. Donc, déjà là, ça vaut la peine, je trouve, de payer. Tu sais, quand on considère qu'on peut payer, par exemple, au Vieux-Port de Montréal, ça coûte, je pense, c'est 6$ pour aller faire du patin sur un carré où il y a comme 1000 personnes qui tournent en rond, puis t'es comme pogné à travers tout le monde. Tandis que là, tu payes un petit peu plus, tu peux aller te promener dans le bois, dans un labyrinthe, puis en plus, ben, t'as un produit naturel. Ça, j'avais pas la tarification des produits comme tel, mais ça doit revenir un peu moins cher ou sinon égal au tarif d'entrée. Ouais. Donc, Et tu remplis ton ventre, donc déjà là. Déjà là, c'est sinon, un point positif pour moi. Là, ouais. T'as un beau petit pot à offrir en cadeau. Tu sais, des fois, tu vas super quelque part, c'est beau, un beau petit pot de miel. Mais tu conseillerais pas aux gens de manger les produits pendant leur randonnée parce que ça devient lourd. Puis on pogne des crampes, puis là, on se perd en forêt, puis on meurt. Mais c'est la forêt perdue, fait que ça fuiterait. OK. On est encore dans le domaine de la forêt perdue? Oui. Bon. Dis-moi pas que je suis pas, là. Non, c'est bon. Je suis allé toi. C'est à 20 minutes de Trois-Rivières, est-ce qu'on l'a dit? À peu près. À peu près. C'est à Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà. Comme la chanson. Ouais. Pas une chanson. Vas-y, chante-la. Non. Bon. D'autres sorties à faire, raquettes. Oui, deux petites notes. Sur le portail étudiant, le club de raquettes de l'UQTR a lancé une invitation. Tous les lundis midi devant l'entrée du CAPS, proche du petit magasin de sport, là. Il y a une randonnée qui va être disponible de midi et quart à 13h. Donc, c'est 45 minutes de randonnée. Les sentiers utilisés sont ceux du boisé de l'université. Dont donc, on a déjà parlé. On a parlé à la toute première chronique. Ouais. En 1972. Exactement. J'étais jeune. C'est une activité gratuite, aucune inscription requise, donc plus on est fou, plus on rit. Et par contre, c'est ça, je sais pas si on doit posséder sa propre paire de raquettes. J'imagine que oui, parce que je pense pas que le club comme tel, là, faudrait écrire directement au club de raquettes. Là, j'ai vu ce petit message-là ce matin, donc il est un petit peu trop tard pour m'informer un peu plus. Donc tous les lundis, midi, on part à midi et quart jusqu'à 13h. Ça fait une belle heure de dîner de wow! Oui. C'est le fun. Puis ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter les boisés, ben c'est une autre saison, donc c'est peut être intéressant. Et la patinoire derrière le CAPS, on en entend parler un petit peu depuis quelques temps. Mais je sais pas si c'est ouvert. J'ai cru voir quelque part, ça l'ouvrait le 9. On est le 12, donc normalement, ça devrait être ouvert à moins que la température ne l'ait pas permis. J'ai pas été jeté de coup d'œil. Là, être parti un peu plus tôt de chez nous, je serais passé par là. Mais d'après moi, c'est ouvert cette semaine. De toute façon, c'est à côté, donc bougez un petit peu vos fesses puis allez voir si c'est ouvert. Là, c'est à côté. C'est bien dit, en tout cas. C'est très bien gratuit, puis c'est ouvert à tous les étudiants. Je sais pas si les gens de l'extérieur... Je vais essayer de vous revenir là-dessus si j'ai plus d'informations, mais j'ai cherché sur le site de l'UQTR, puis il n'y a pas grande information disponible. J'irai m'informer directement au CAPS. Téléphone! Mais oui. Tu nous parleras des raquettes aussi et de la patinoire, les deux. Oui. Pensez-toi. C'est ça. Okay. On va être à jour! Yep. Ouais. Bon. Et petit conseil de maman, moi c'est ça que j'aime le plus dans ta chronique. Je le sais, je me suis forcée pour t'en donner une. Et j'ai recommencé à lire un peu plus les nouvelles pendant les fêtes, je me suis laissée un peu aller. Et il y a eu des personnes qui se sont perdues en forêt, puis on dirait que l'hiver ça me touche un peu plus parce qu'il fait froid, puis c'est moins évident. Fait que je l'ai déjà dit, mais quand vous partez en randonnée, surtout quand vous partez seul, avertissez quelqu'un quand est-ce que vous partez, puis à faire quelle heure vous pensez revenir. Puis apportez-vous un petit quelque chose à manger, petit quelque chose à boire si on a à se perdre. Puis si vous avez une boussole, ben c'est toujours un plus de l'avoir avec soi. Wow. Voilà. Donc, bonne semaine, puis divertissez-vous. Pas trop de cinéma, là. Mathieu, hein? Ouais. Va jouer dehors, là. Ouais, mais je peux-tu amener du popcorn pareil? Non, si tu joues dehors, t'as le droit à un chocolat chaud en rentrant. En rentrant? Mais c'est sur la route que j'ai froid, tu sais. Non, non. Tu fais un bonhomme de neige, puis après, ta blonde te prépare un chocolat chaud. On verra. Ouais. On verra. C'est une résolution que j'ai prise d'au moins sortir une fois de chez nous pendant l'année. Pendant l'année. Pendant l'année. Pas une fois par semaine. Non, ben voilà. Hey, t'es-tu malade? C'est une fois par mois, des fois, non? Non, une fois par trimestre, peut-être. OK. Une fois par session universitaire. Ah, j'aime ça. Okay. Sauf l'été. Ben, c'est une session, il y en a qui font des cours d'été. Il y en a qui en font pas aussi. En été, en plus, c'est le plus facile de sortir. Là. OK, bon. Je vous promets que je vais sortir de chez nous au moins une fois. Ben, regarde, tu peux nous dire ça, mais on va quand même continuer à te persécuter. Puis à pousser. C'est pour ça, j'essaie de le motiver, tu sais, en disant casse-croûte. Oh. Mm. Ouais. Des fois, ça prend le motif. Ouais, c'est parce qu'il y a des casse-croûtes où j'ai pas à sortir. Pas assumé. Eh, je m'assume pleinement. Je peux-tu t'appeler Geek maintenant? Oui, s'il te plaît. Ah, parfait. Geek. Merci beaucoup, Émilie Gauthier, pour ta chronique plein air. Ben, ça fait plaisir. Merci, on se retrouve mardi prochain. Oui, à moins d'une catastrophe naturelle m'empêchant de sortir de chez moi. Mais ça devrait parler. Espérons-le. Carine. Bonne semaine. T'es optimiste, toi, avec tes beaux cheveux de même. Ah, ben, merci. Oui, très optimiste. Deux assemblages requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, on s'en va en musique tout de suite avec presque une pièce thématique. Ça fait des cheveux? Oui, exactement. C'est un homme très chevelu. Mais la pièce s'appelle Sortir du bois, c'est surtout pour ça. Sortir du bois de Vincent Vallière. Tout de suite, à Assemblage requis. Ouais, c'est secondaire. Reste un bout à faire avant d'arriver, avant d'arriver. Me boire ben une bière, mais faut continuer. Ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Je crois très fort. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. Très bon, ça. Vraiment, là. Tu parles d'une pièce à propos. Oui, oui, l'hiver, quand il fait froid. Ben oui. Très bon. C'est la pièce Kids du groupe Our Book and the Authors. C'est un groupe de Montréal qui n'a pas encore d'album, je crois, mais ça s'en vient. Je pense qu'ils travaillent là-dessus. Si vous voulez plus, si vous voulez plus d'infos, allez faire un tour sur le myspace.com/Our Book and the Authors, comme l'auteur. Oui. Googlez-le, c'est pas mal plus simple. Pas mal plus Our facile. Book and the Authors. Kiwan. Oui. Ouais, tu sais que c'est Kino ce soir? Oui, parce que c'est le deuxième mardi du mois. On est un mardi, puis ça donne que c'est ce soir parce qu'on vous le dit. C'est le deuxième, ça. C'est toujours les deuxièmes mardis du mois. Kino 3R s'est présenté à la galerie L'Appart maintenant, depuis pas tant de mois. Depuis quelques mois, s'est présenté à la galerie L'Appart, ici à Trois-Rivières, sur la rue Saint-Antoine. Et donc, c'est ça, ce soir, Kino 3R. Donc, allez-y. Plus de détails à ajouter? Non. Ben, la place vraiment pour avoir le plus d'informations, là, ici à C'est Fou, c'est vraiment dans le dîner de cons, parce que Danny est très impliqué dans les kinos, donc c'est l'endroit où vous pouvez avoir le plus d'informations, le plus de renseignements juteux. Exactement. Sur le Kino 3R. Ils en ont parlé beaucoup ce midi, ils en parleront pour le prochain match, qui sera le 9 février, si on compte les deux mardis. Tantôt, avec Émilie, on parlait d'une patinoire sur le campus. Oui, c'est vrai. Et ben, je suis allé voir un petit peu sur le Facebook, qu'on appelle, sur les internets. C'est depuis le 9 janvier, derrière le CAPS. Donc, la GE qui a lancé une patinoire sur le campus. Elle est située derrière le CAPS et elle est accessible gratuitement en tout temps pour tous les étudiants. Oui, au plaisir de patiner ensemble entre deux cours, dit leur groupe Facebook qui s'appelle Une patinoire sur le campus. Mais si vous cherchez patinoire QTR sur Facebook, ça se trouve très, très facilement. Voilà qui dit. Parfait. Une autre petite suggestion, peut-être, ce soir, si même, je pense que ça se fait bien en combinaison. Je pense que je vais peut-être essayer de faire le combiné des deux avec le vêtement, la combinaison. Oui, moi, j'en porte pas bien souvent des combinaisons. Tout est plus One Piece, par exemple. C'est ça. Mais je vais essayer peut-être de combiner nouveauté de l'ONF et Kino 3R. Je pense que ça peut se faire, étant donné que les Kinos sont un petit peu plus tard dans la soirée. Je vous en ai parlé hier, les nouveautés de l'ONF, c'est donc l'Office national du film qui est en tournée un peu partout à travers le Québec et pour les prochaines semaines. Sont à Trois-Rivières. Ce soir, c'est Roadsworth, documentaire sur l'artiste qui se surnomme comme ça, Roadsworth, donc un artiste qui utilise la rue et tout ce qui s'y trouve pour faire ses œuvres d'art. Donc, documentaire très intéressant sur cet homme, Roadsworth. Sinon, je peux tout de suite vous annoncer que demain, ce sera un documentaire qui sera plus, plus sur l'environnement. C'est un film de Michael Rioux, qui est un jeune militant justement préoccupé par l'environnement. Son documentaire s'appelle « Visionnaire planétaire ». Ça, c'est celui qui va être présenté demain. Je vous en reparlerai plus en détail demain. Même pour ce soir, c'est Roadsworth. C'est à 7h30, donc 19h30, à Salanès, à la Rousseau de la Maison de la Culture. Et ça coûte gratuit. Et tant qu'à être dans les sorties à faire, là, on se transporte à lundi prochain. C'est lundi le 18 janvier. Partez d'ouverture au 10-12. C'est-à-dire attachez vos casques de poêle avec des bonnes agrafes. Parce que le 18 janvier, le sol du 10-12 risque de trembler. Hein? Les formations montréalaises de Planet Smashers, The Beatdown et Brixton Rubbers donneront coup d'envoi de l'édition 2010 du Carnaval étudiant. Hein? Donc, l'entrée au party d'ouverture est incluse pour les participants qui sont inscrits au Carnaval. Sinon, pour les autres, c'est 10$ payable à l'entrée au 10-12. Allez voir sur Facebook et tapez « Party d'ouverture Planet Smashers Carnaval étudiant 2010 » et puis ça se trouve bien. Juste Carnaval étudiant 2010, là. Vous allez tomber dessus. Ouais, c'est un paquet d'activités organisées dans le cadre du carnaval, mais on pourra vous en reparler exact. D'ici là. Ça commence lundi prochain. Avec un gros spectacle. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Émission tire à sa fin, mais avant de se quitter, on écoute un petit peu de Tegan and Sarah. Voici Undirecting. Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Restez là parce que Chérie, m'écoutes-tu? Ça en vient dans quelques minutes à peine. Je dirais une dizaine. Une dizaine. Tegan and Sarah et Undirecting de leur album merveilleux qu'on appelle Sainthood parce que c'est son nom. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Hein? C'est déjà pas mal la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h avec une toute nouvelle émission. Simon Fitzbé va être là pour parler de ses mythes du rock'n'roll dans sa chronique Paul is Dead. Oui, Simon, demain va être là. Il va aussi avoir une chronique CNX demain. Pour ce qui d'aujourd'hui, il y a des changements à l'horaire, c'est nouveau depuis cette semaine. Si vous êtes des habitués de la programmation du mardi soir, généralement c'est la dernière porte à gauche à 17h, mais maintenant la dernière porte est rendue le mercredi. Et la nouvelle version de 2h de l'émission Chérie m'écoute-tu est en rediffusion ce soir. Donc c'est ça qui s'en vient dans quelques minutes là tout de suite, Sophie Laforêt et Chérie m'écoute-tu. Après ça, il y aura Rock Révélé et puis Réanimation. Comme je disais, nous on se retrouve à 15h à Assemblage Requis demain, mais avant ça, demain, il y a la pilule du lendemain à 7h. Il y a le dîner de con à 11h. J'anime les palmarès c'est fou en édition anglophone à partir de 13h. Et puis, Assemblage Requis. Donc, la journée de demain va être bien intéressante. Puis, ouais, ça va être trois émissions de nous autres. Gars, ça va être les palmarès. Ça va être Assemblage. Ça va être Dead Rampart à gauche. Malade. Et ça va être long. Beaucoup trop de nous autres. Je dirais. Beaucoup trop. On se quitte avec Orange Orange. Avec la pièce Et je pleure. Bonne soirée, Kiwan. Toi aussi. Repose-toi bien, là. Merci. Ben oui, parce que je mérite ça, moi. Toi aussi. Hein? Bonne émission, chérie. Merci, Mathieu. C'est tellement c'est une bonne émission. Je suis sûr que Sophie va adorer ta personnification. Merci. Et je pleure. Bye Mathieu, bonne soirée. Regarde la neige qui tombe, la fenêtre contre le nez, puis je pense.